Chapitre 352. L'interdiction d'uriner dans l'eau stagnante. 1772. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit d'uriner dans l'eau stagnante. Muslim.